إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه جمعة الأولى من جمع هذا الشهر المبارك، وهذه الخطبة الأولى من خطب هذا المسجد المبارك كذلك المسمى بمسجد التوحيد. اللهم اجعلنا نوحد الله الذي فتح أبوابه قبل أيام قريب. فهذا أول يوم من شهر مبارك، شهر الخير والبركات. يقول عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. كم هو الصغير ولله الحمد من شهر خير. في vendredi là, le premier vendredi que nous faisons dans cette mosquée. Étant donné que la mosquée vient d'ouvrir ses portes depuis très peu de temps, 3-7 jours, Alhamdulillah, en plus de ça, pendant les premiers jours du mois du Ramadan, à devenir Masbira. Khoudal Oula, c'est Awal Yom du Shahr Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens rapproché relatif du verset, le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et trace claire de la bonne direction et du discernement entre le vrai et le faux. Sourate 2, sourate Al-Baqarah. Quand on regarde ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre de miséricorde, qui est le Coran, où il y a une institution pour tous musulmans et musulmanes, toute société et toute époque, toute nation, n'est-ce pas une idée ? وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. هذه نعمة كبيرة. أولا نعمة الإيمان. نعمة ماذا؟ الإيمان. لو افترضنا ما كنا مؤمنين، هل كنا في هذا المسجد؟ لا. Si nous n'étions pas des croyants, est-ce que nous serions aujourd'hui dans cette mosquée en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala? On entend souvent des discours du genre Alhamdulillah, Allah nous a donné la vue. Alhamdulillah, Allah nous a donné l'ouïe, on peut entendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la santé. Alhamdulillah, ce sont des ni'amas que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Mais une des plus grandes ni'amas que tous ces ni'amas-là que nous venons d'évoquer, c'est la foi. Al-Iman Billah, c'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Combien de fois et combien de personnes sur leur petite prière ont douté d'Allah subhanahu wa ta'ala? Wa hada yusamma sarif al-Iman. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle sarif al-Iman. C'est un degré de foi qui est très élevé, où Shaitan, il sait à quel moment venir. Et la personne se pose des questions. Est-ce que je suis réellement croyant ou je ne le suis pas? Le mois du Ramadan, c'est un mois où les portes du paradis s'ouvrent. Et où les portes de l'enfer se ferment. Et les shayatines, à ce moment-là, ils sont prisonniers. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de shayatines. Les shayatines sont toujours là. Mais yaqil le sharruhum. Voilà qu'une shayatine, yaqil. Normal et minime. Il n'est pas comme en dehors de ce mois béni. Shahru rahma. Shahru al-maghfira. Shahru al-idq min al-nar. Allah maghfir lana dhunubana. Waghfir lana. Watub alayna. وأعتق رقابنا من النار. في الحقيقة هنا ما وجدناش خطبة باش نتكلموا على شهر رمضان. جهزنا خطبة باش نتكلموا على المسجد. كما جيلي ديال الصور، جو نو با بريباري اون خطبة كونسيرون لو موا دو رمضان، إن شاء الله افيك لو جور كي فيندرون سي اون إي توجور فيفون، إي كون سوا بارمي فو إن شاء الله، أون فيرا سي خطبة لا كونسيرون لو موا دو رمضان. جي فولي أجوردي أكسونتيي سور لا موسكي، إي لي ميريت دو لا موسكي، إي كي إي ريسبونسابل دون لا موسكي. Qui sont les responsables de la mosquée? Les responsables de la mosquée, ce ne sont pas simplement les responsables des dirigeants. Ce sont aussi les gens qui viennent prier à la mosquée. Ils ont aussi une part de responsabilité. Bien sûr, il ne peut pas y avoir deux capitaines à bord. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui s'occupent et qui viennent à la mosquée. Ça, c'est tout à fait normal. Mais les gens qui viennent prier, eux aussi sont responsables. Ils sont responsables de la propreté de la mosquée. Ils sont responsables de ce qui se passe, des activités dans la mosquée. Ils sont responsables de ce qui se dit dans la mosquée. Éventuellement, Inch'Allah, les responsables ont fait parvenir qu'il y aura des cours pour les enfants, des cours pour le père, les femmes, il y aura des cours pour les grandes personnes, les personnes âgées, il y aura des cours, Inch'Allah. Tout ça, ça rentre dans la mosquée. Les cours qui se font dans la mosquée, ce seront des cours de quoi? Des cours où tu vas apprendre ta religion. Ce sont des cours où tu vas apprendre ta religion. Et Dourous, les Sawfatakoum, في المسجد هذا دروس باش تتعلم دينك وما تقولوش راني مستغني مولد تاجي محتاج واحد يجي يقول لي لا انا ما نحتاج خلاص وفوق كل ذي علم عليم اي دو سي دو سافون il y a toujours un savant et le savant qui est mentionné ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala وما اوتيت من العلم الا قليلا et ne vous a été donné que de science que très peu. On a toujours besoin de science. On a besoin de docteurs. On a besoin d'informaticiens. On a besoin de juristes. On a besoin d'architectes. Mais on a besoin aussi de savants. On a besoin aussi de savants du l'âme al-kalima. Monsieur le yakra hadith ou la ayah ou il dit falsaf alina. Monsieur le yakra hadith ou la ayah ou il dit falsaf alina. Monsieur le yakra hadith ou la ayah ou il dit falsaf alina. والسيرة النبوية والفقه وأصول الدين والنحو واللغة فلا كنا بزوان أما واحد يجي يقرأ آية ولا زوج ويعرف حديث ويكفر فيه ويجي يقول لك أنا أعلم ويجي يتكلم هذا لا يجوز هذا لا يجوز ورانا نشوف المضرة أكثر وأكبر من المصلحة سوك يبقن يطلق سوك يبقى تطقن إمام professeurs qui donnent des cours et ils prennent la place de ceux qui ne devaient pas prendre cette place-là, on voit les dégâts qu'ils font. On le voit les dégâts qu'ils font. Et quand ils me disent « Eh, la ta'alam, t'as dit qu'on est comme un crèche le bête, crèche l'arabia ou c'est un crèche le l'ilmo, yu'khadu min afwah l'ulama, hal ta rabbenta, hal ta rasta, hal ta talmata ala shir. Est-ce que t'as appris avec des savants? Est-ce que tu t'es assis dans les assises des ulama? Ou bien simplement tu as appris un petit peu de langue arabe et tu as ouvert les livres tout seul et tu as commencé à lire et tu es venu donner ce que tu as, tout ce que tu n'as même pas compris. Là. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الله أكبر. والله يشهدوا إنهم لكاذبون. Dans ce verset-là, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les gens qui ont ouvert des lieux de culte, tels que les mosquées, non pas pour éduquer la communauté, non pas pour satisfaire la communauté, mais bien au contraire, comme Allah nous l'évoque ici, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant combattait Allah et son messager, et jure, en plus, qu'est-ce qu'ils disent? En disant, nous ne voulions que le bien. Nous ne voulions que le bien. Où est-il? الخير والعمل الصالح له الشروط ربما أن تشوف حاجة خير وهو في الحقيقة الشر أو ربما أن تشوف حاجة شر وهي في الخير ما هو الميزان quelle est la balance de mesure avec quoi tu vas juger le bien et le mal il se peut que toi tu vois un bien et que tu crois que c'est un bien mais ce n'est pas un bien comme il se peut que l'autre il voit qu'il y a un mal effectivement il y a un bien derrière celui-ci c'est quoi la balance avec quoi tu vas juger la balance de jugement الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه nul n'est un vrai croyant dans le sens où nul n'atteindra le degré de la croyance avant d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et combien de nous a tout ce hadith qu'on entend rare et rare on l'entend souvent ce hadith là mais jusqu'à présent qui l'a mis en application il m'a l'air comme Allah je ne juge personne chacun se connaît. Mais dans un autre hadith qui vient compléter celui-là Le prophète عليه الصلاة والسلام dit لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير Parce que comme on l'a dit, il se peut que toi tu vois que c'est un bien, mais ce n'est pas du tout un bien. Alors il y a des gens, ils ouvrent des mosquées, et puis au lieu que ce soit un lieu de culte où on vient adorer Allah subhanahu wa ta'ala, où on vient s'instruire, C'est un lieu de commerce. C'est un lieu où on vient faire tijara, on vient faire du commerce. Où on vient raconter n'importe quoi. Où on vient raconter des choses qui nous rapprochent pas d'Allah, au contraire qui nous reculent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là. Quand j'ai dit tout à l'heure que nous tous sommes les responsables dans la mosquée, c'est que si tu vois à toi l'imam faire une erreur, tu viens lui dire mon frère, tu as fait une erreur. Le shir yahtaj ila frère. Au frère, il y a celle de l'Akbir. La personne âgée, le vieux, il a besoin du jeune, comme le jeune a besoin du vieux. Mais il dit, non, mais, on a grâce à Chir. Donc, on dit, là, Chir, on doit te dire, là, tu as un peu de chavis, tu as un peu de chavis. Ou alors, Chir, tu dis, mais il y a parce que ma grâce, un taqris, c'est le Chir. Le vieux, il a besoin du jeune, et le jeune, il a besoin du vieux. Le vieux, il a l'expérience de la vie. عندك انت تجربة الحياة؟ شو هي الاكسبيرونس دو لا في؟ شو هي الاكسبيرونس دو لا في؟ لوي لا الاكسبيرونس دو لا في. شو نقول لي لوي لا فين تجي؟ الله غلب عليه، كل واحد يعرف التاريخ. كل واحد يعرف الاستعمار والامور والجاد في البلاد. سواء كان في الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا غير هذه البلاد. شاكين يكوني ليستواغ. لو جون تو تجي، انسان نو جو. ندير اليد في اليد. ماشي نبقى نديرو دي جروب، هذا يشوف الاخرين هذاك الشيوخ يشوفوا الشباب والشباب يشوف لا. On doit se mettre le nez dans la main et s'entraider mutuellement. Le nadab al mamat, je n'ai pas le nez. Je n'ai pas le nez. Là, je n'ai pas le nez. Je ne rentrerai pas tout seul au paradis. On sera tous idées là au paradis. Ou à l'atma. L'atma al nakuna min ahl jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, il continue en disant La taqm fihi. Ay, yatakallamu huna. الكلام وجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه بمعنى لا تقم تصلي في هذا المسجد ne te lève pas pour prier dans cet endroit là dans cette mosquée là qui n'a pas été construit sur une assise de piété d'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala la masjid al-ustisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taqum fihi rijal yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin Allah subhanahu wa ta'ala dans ce second verset, qu'est-ce qu'il dit? Ne te tiens jamais debout. Il s'adresse au prophète alayhi salatu wa salam. Mais le message, il est pour tout le monde. Notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Le qudwa al-mithal huwa al-rasul sallallahu alayhi wa salam. Ne te shabbah bihi. Fi kalamina, fi akhlaqina, fi sulukina, fi adadina, fi tijaratina, في عملنا في بيتنا مع زوجتنا مع أولادنا مع الأصدقاء مع الجيران وإن كانوا كفارا، مع النصراني مع اليهودي، نتأدب بما أدبنا الله سبحانه وتعالى. On doit donner le bon visage et le vrai visage de l'islam avec tout le monde, que ce soit à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, avec ton voisinage, au travail, à la mosquée entre frères, avec le chrétien, avec le juif, avec tout le monde. Et ne pas prendre la place de celui qui n'a pas le droit de la prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, avec les événements qui se passent à droite à gauche dans le monde, on n'y reviendra pas dessus, c'est pas notre discours et c'est pas plus important. Dans les revues quelconques, on voit des gens, des sociologues, des philosophes, ils viennent parler d'islam. Hal darasta al-islam am la? Non, j'ai pas étudié l'islam, mais je peux parler au nom de l'islam. Là, même après le haq, qui t'a donné le droit de parler de l'islam? Qui a le droit de parler d'islam? Al-ulama. Tullab al-ilm. Les ulama, les savants, c'est eux qui vont parler d'islam. Les étudiants en jurisprudence islamique, c'est eux qui vont parler d'islam. Amma al-Jazzar, amma al-Khabbaz, amma al-Hawad, amma al-Mansour, ils disent qu'ils parlent d'islam? Ça te goulou, oui, mais oui, ou le kan yikundra, Allahumma barik. Ou le kan yasdar, ils disent si. Rana shufi al-Mosiba wa shahidat fina. Le nalash, comme les gens disent qu'ils parlent d'islam. Ou qui te goulou, je vous m'flata. Rana shlata, mais les gens même. Merci goulou. Là. On a des savants, alhamdulillah. Les téléphones, il y a le fax, il y a l'internet. Tu peux joindre les savants. Tu peux joindre les gens qui ont étudié. Il y a des moyens. S'il y a un problème, tu téléphones. Allô, salam alaykoum, cheikh, j'ai un problème pour telle question. J'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? On ne doit pas faire de notre tête. On s'investit dans une chose où on ne devrait pas s'investir. Et quand le savant nous dit, « Ya, achata yabni. » C'est le Yézus Abel Amen. Abel Yézus. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi lorsque tu fais. Il te dit, on a déjà un expert qui a fait un peu de temps. Il te dit, on a déjà un expert qui a fait un peu de temps. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, on a déjà un iman. Il te dit, ما لابدوش بلي كاش ما يصرى في بيته أجر وينسى بلي سببها هذاك الحرام اللي دارو يبغي كلمي ساكوز بلا شوز كيما لي فاسير كي اجوردي لان ان اكسيدون سا فام الكوكوطا تربقت عليها لي زونفون يزون اون بو با سافوار اي لي سرابيل با كو ساكوز دو سو بيشي كي لافي في فيرم لا بورت الشيطان سكر الباب الشيطان فيرم لا بورت الشيطان كي تانفستي معليش ربي يعاودهم لك. Tu t'investis, tu as laissé 100 000 francs, 200 000 francs. C'est vrai, c'est facile à dire 100 000 francs, 200 000 francs comme ça. Et je suis responsable de ce que je dis. Mais, حب الله, حب الجنة, حب الخير, الخوف من النار. كل واحد فينا يعرف هذا. سبحان الله. On est en train de faire du bien. On va vivre éternellement dans la terre. On va quitter cette terre un jour ou l'autre. Et le moto, le صغير, le كبير, le مريض, le صحيح, le مرأة, le راجل. طفل المود ما تختارش لا مور ما تشوزي با كونت بيان ان بيان بارتا سي بارتا سبحان الله اون فاتي تي سيتير لا ميم شي دي مليون اون ا في دي جونس دي روتشيل ils ont de l'argent ما شاء الله كيس كيزون بري داو حاجه ما داو والو انت في قبرك مازال ما دخلتش في قبرك والفاميليا هي تدرس شكون اللي يزيد وشكون اللي ما يزيدش وشكون اللي يخدم وشكون ما يخدمش حتى ميم با انكور انتيري كي لي جون دو تا فامي سون انتران دو ديسبوتي لارجون تي ميم با انكور دون تا طون. Moi, je suis plus grand, je suis l'aîné, je dois prendre plus. Et moi, il ne faut pas m'oublier. Et moi, qui prends la maison, moi, je prends la voiture, moi, je prends ceci. On les voit. Les familles, comment elles se détruisent. À cause de quoi? Moi, j'ai de dunya. À cause d'une chose qui appartient à la dunya et qui restera dans la dunya. Et tu vas quitter la dunya, tu ne prendras rien du tout avec toi. Tu prendras que ce que tu as fait comme œuvre, bonne ou mauvaise. La ilaha illallah. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que ceux qui tiennent debout pour y accomplir la prière, car c'est là qu'on trouve des gens qui aiment bien se purifier. On a fait les maîtres rijal, du nom de rijal ou nissa. Des gens qui aiment bien se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient. Ah, voilà l'imada bouni al-masajid. Bas ta'bad Allah subhanahu wa ta'ala. Bas t'afqarrab il Allah subhanahu wa ta'ala. Bas t'salli. إذا ما كنت تصلي تقرأ قرآن إذا ما كنت تقرأ قرآن ولا ما حدث تقرأ قرآن لأنك أعيد باش تذكر الله إذا ما تذكرش الله باش تدعي وإلا فأربط خير لك باش عندك تربط ما تدير له شر وما ننفضل منك شر لا مصير c'est un lieu de prière où tu viens prier où tu viens faire le dhikr où tu viens lire le Coran où tu viens faire des invocations où tu viens apprendre ta religion s'il n'y a rien de tout cela vaut mieux aller dormir comme ça on sait que tu ne feras pas de péché quand tu dors c'est comme si tu étais mort. Dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose une question indirectement, bien qu'il en a la réponse. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خير أَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَنْهَارَ بِهِ فِي جَهَنَّمْ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah, dans ce verset-là, subhanahu wa ta'ala, il dit, lequel est le plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah? Ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Et Allah ne dit pas les injustes. Inna Allah la yadlimun nasa shay'a, walakin an nasa anfusahum yadlimun. Allah subhanahu wa ta'ala kulshi. A'ta kulshi bas nizim terja ilayhi safi salim. Qalb khalis. Ou lui l'aham shirja ilallah hakada, hawi dhum yusuf. Celui qui ne veut pas retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pur, alors que Allah lui a donné tous les moyens pour qu'il retourne auprès de lui correctement avec un cœur pur et blanc, il ne s'en prendra qu'à lui-même. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Celui qui trouvera le bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dira Alhamdulillah, tu m'as facilité, il y a certains tarifs. أَمَّا مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Celui qui trouvera autre que le bien, c'est-à-dire le mal, de ce qu'il aura œuvré. On n'a pas poussé les gens à faire le mal. On n'a pas poussé les gens à faire le bien. On encourage les gens à faire le mal, à faire le bien à quoi. Et on déconseille les gens à faire le mal. Mais après, chacun est libre. Alhamdulillah, on n'a pas de bâton ou une batte de baseball en disant « Mais c'est bien riche !» Non. « C'est le haqq min rabbikum, faman sha'a falyu'min, faman sha'a falyakfur. » Que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il n'y croit. La vérité émane de votre Seigneur. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إن المساجد بيوت الله تعالى بنيت لعباد الله تعالى فيها بما شرع من أنواع العبادات. Donc comme on vous l'a dit, les mosquées ont été construites pour que Allah subhanahu wa ta'ala y soit adoré. بما شرع من أنواع العبادات. De ce qu'il a donc ordonné et donné aux gens pour pouvoir l'adorer correctement. ولم تبنى لغير ذلك. Et les mosquées n'ont pas été construites pour autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَرَدَ أَنْ يَتَّخِدَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٍ. Et celui qui veut prendre une mosquée pour autre ce qui a été pour autre que son ouverture ici, alors il sera injuste envers lui-même et il fera beaucoup de mal aux gens. Alors ce genre de personnes-là, il vaut mieux s'en écarter très rapidement. وَلِلْمَسَاجِدِ أَدَابٌ وَأَحْكَامٌ فَلِنَعْمَلَ عَلَى تَأَدُّبِ. Et comme on le sait, il y a un bon comportement à avoir à la mosquée. Il y a des droits, la mosquée elle a des droits sur soi. Il y a des règles à respecter dans les mosquées. C'est pas on vient et on commence à crier, par exemple, il y a un frère, il est au bout de la mosquée, tu l'appelles, ah Mohammed, Allah, en criant, non, tu as besoin d'aller voir ton frère, tu te déplaces, tu vas voir ton frère là-bas. C'est pas sucré, il y a des gens qui sont en train de prier, il y a des gens qui sont en train de faire des douas, il y a des gens qui font le dhikr, il y a des gens qui lisent le Coran, il y a des gens qui sont en train de méditer. Tu viens, tu commences à crier, le fawda. Ou bien des petits groupes, les jama'a jama'a, tu prends relis de quel mot. Hatta salat, mais les gens qui sont en train de se faire. On va dire que le Sunni yajouz le kalam fil masjid. Arabes n'a pas dit yajouz le kalam fil masjid. Avec un ihtiram al muslimin. Où on dira? Et le respect de ceux qui prient. On sait que tu peux parler dans la mosquée. Mais quand tu vois des gens qui prient, alors il faut baisser la voix. Celui qui lit le Coran à voix haute, quand il est tout seul, il peut crier. Quand il est tout seul, il peut crier dans la mosquée en lisant le Coran, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient et qui rentre, et qui est pris, c'est de la hâte, celui qui lira le Coran devra baisser sa voix. Hada kalamullah. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a baissé sa voix pour respecter son frère qui fait la prière. Alors qu'est-ce qu'on doit dire de ces gens qui font des groupes et que quand les frères font la prière, eux ils parlent à voix haute? C'est même pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils parlent, ou bien du hadith du prophète alayhi salatu wa salam, et ils te disent, mais je peux parler moi, je peux parler. نتأدب يا إخواننا نتأدب بارك الله فيكم وهذا الكلام موجه إلي أولا et ce que je viens de dire c'est pour moi en premier avant vous-même. فلنعمل على التأدب بتلك الآداب ولنحرص على حرمة تلك الأحكام واحترامها والقيام بما يجب القيام به منها لأن المساجد كما قلنا بيوت الله عز وجل والذي لم يحترم بيوت الله فلن يتأدب بأدابها ولن يعترف بقدسيتها وحرمتها وهو داخلها أو خارجها. وسبحان الله نورمالمون عندما تدخل في المسجد تحترم المسجد أكثر من تحترم بيتك، رغم بيتك هي حرام لغير زوجتك وأولادك. La maison c'est un lieu sacré, la maison en dehors de la mosquée. La maison personnelle, c'est un lieu sacré. Ne doit rentrer dans ta maison, pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui va rentrer dans ta maison. Ah ben, quand tu as mis un règlement pour ta maison, tu devras le faire aussi pour la mosquée. Et la mosquée, Aoula, le masjid Baytullah. Baytullah. Même toi, quand tu rentres dans ta maison, tu n'aimes pas avoir le fouillis dans ta maison. Tu veux le voir à la mosquée? وهو داخلها أو خارجها فقد تعرض لغضب الله تعالى وأليم عذابه وشديد عقابه. ألا فلنتقي أيها المؤمنون والمؤمنات غضب الله وعذابه بتقديس بيوته واحترامها وإعلاء شأنها وارتفاعها ولنجعل نصب أعيننا دائما وأبدا قوله تعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici il dit dans ce verset qui est très très important, un verset qu'il faut mettre toujours devant nous, et ce verset jusqu'à la fin de notre vie sur terre, Allah il dit « Fi buyutin adna Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah wa iqam as-salat wa ita'i az-zakat يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى dans ce verset très important il dit toujours dans le sens relatif et rapproché bien sûr du verset dans des maisons ici les mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est évoqué lui glorifie matin et soir des hommes qui ni la négoce, ni le prophète ne distrait de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat. Qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Et ce jour-là, il est plus proche qu'on l'imagine. Hadal yom, yom al-qiyama, qarib. Ma tadun hao ba'id. Ma tkul shayla'a, ma zala'an di l'wok. Hadal yom hao qarib. Ce jour-là est très proche de nous. كما يقال الموت أقرب غائب. شفت الغيب لما شنه خبر فالموت هو أقرب غائب. Celui qui est absent aujourd'hui, le plus proche des absents qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est la mort. Elle te guette. Et quand on y reviendra, salam alaykum kanahna wa Allah yarhamu. Et na'am. Afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien. Et il leur ajoutera de sa grâce. Car Allah attribue à qui il veut sans compter. Wallahu lahu yani khazain mamlu'a wa lahu khayrat. N'a pas de mal à approcher. نشوف الخيرات اللي كانت في الدنيا نقولوا ما شاء الله، ولكن لو كان نشوف الخيرات تاع ربي سبحانه وتعالى اللهم اكرمنا بالجنة ان شاء الله، اللهم لا تحشمنا ان شاء الله. ولكن ما دام الحمد لله كلنا نعرف ان من كان في قلبه لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة، فما دام عندك لا اله الا الله مخلص لله باذن الله ستدخل الجنة. ما تصيرش في هذا الكلام، il faut pas avoir de doute sur cette parole là. Si tu as la ilaha illallah et que tu es sincère dans ton la ilaha illallah, tu rentreras au paradis. Même si tu dois séjourner en enfer, chose que je ne souhaite pour personne, inshallah, inshallah, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne voit même pas l'enfer. Inshallah, jahannam a gamin chou voit, gamin chou mouchrihta. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دار حديث pour conclure ici le prophète عليه الصلاة والسلام qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a pas un groupe de gens qui se réunissent dans une mosquée, c'est-à-dire dans une maison de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, يتلون كتاب الله ils étudient ويتدارسونه ils étudient le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran, بينهم entre eux, إلا نزلت عليهم السكينة, alors la tranquillité, la sérénité descend sur ces gens-là, وغشيتهم الرحمة, et ils sont enveloppés de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, وحفتهم الملائكة, et alors les anges les entourent, وذكرهم الله في من عنده, et Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces gens-là auprès de lui. C'est pour ça que mes frères, quand je le dis au début de la khutba, j'ai dit que les mosquées, il y aura des cours qui sont préparés pour les enfants, pour les personnes âgées et pour les femmes éventuellement. Bilingue, comme on a fait à la khutba, nous avons dit que la khutba n'est pas une salle de l'arabie. Mais, un fiasse taï, on ne sait pas les kalimat al-wa'ra. On ne sait pas les kalimat al-wa'ra. ماذا بيا الناس يفهموا؟ ماذا بيا الناس يخرجوا يقولوا تبارك الله الحمد لله الجمرة ما خلنا حاجة؟ ماذا باش ندير لكم خطبة ونجيبها غير الفصحى وتشوفوا فيها غير هكذاك وما تفهموا والو؟ فما تيغيس با. فما تيغيس با دو فار دي ديسكور كوم جو فولي دي افيك ان فرونسي تكنيك، افيك ان فرونسي سيانتيفيك، افيك ان فرونسي ليترال، فما تيغيس با. افيك ان فرونسي مويان اكسيسيبل ا تو الموند. Il faut que quand des gens sortent de la mosquée, ils disent الحمد لله aujourd'hui j'ai retenu quelque chose, j'ai appris quelque chose de ma religion. Ah mais les beaux discours, vous me regardez dans les yeux et je vous regarde comme ça, ça ne sert à rien. Nous on veut des résultats. Ubidnillah sayakoun. Sayakoun, si vous m'aidez, et moi je vous aide bi'idnillah. Allahumma akhtab lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, wa aflih dhata baynihim, wa alif bayna qulubihim, wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim, wa ahdihim subula salam, wa akhrijhum min adhulumati ila nur, khatatan fi hadha shahr al-mubarak, awaluhu rahma, ووسطه مغفرة وآخر عتق من النار. من الظلمات إلى النور وجهنم والطوائج ما بعر منها وما بطن. وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم وجعلهم شاكرين لنعمك وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك.